passion autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui dans mon émission Autour de vous, nous allons parler des chiens guides pour les personnes malvoyantes. Je suis actuellement dans notre studio, votre studio, avec Raymond et Christiane. Raymond et Christiane, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, nous allons très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Tout commence. Oui, je suis donc Raymond May, le directeur général de l'association Chiens Guides de l'Est, dont le siège social se trouve à Voipy et qui dispose de deux centres, deux écoles, une à Voipy et une autre à Cernay en Alsace. Et vous, Christiane ? Alors moi, je suis Christiane, je suis la femme de Raymond. Je suis aveugle depuis l'âge de 23 ans et Nuts, le chien qui est aujourd'hui avec moi, c'est mon cinquième chien guide. Et en fait, quand je me suis mariée avec Raymond, je voyais. Et puis, on était mariés depuis 2 ans, quand je suis devenue aveugle, il ne s'est pas barré, il ne m'a pas jeté, c'est un mec bien quand même. Donc je le gâte. Parce que je veux le garder longtemps. C'est comment voilà. Qu'on dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Non, pour l'instant, c'est pour le meilleur, ça va. Mais c'est super. Alors, nous allons faire connaissance avec Raymond. Depuis quand vous faites partie de l'association Chien Guide de l'Est, Raymond ? Alors, j'en suis le directeur depuis 22 ans maintenant. À la création, depuis sa création. J'ai fait un peu de bénévolat, un peu de prosélytisme pour les chiens guides d'aveugles, au profit d'une école du Nord, puisqu'il n'existait rien dans l'Est, l'école à l'époque de Wascal, qui est aujourd'hui à Ronc, à côté de Lille, qui est le berceau du chien guide en France. Et dès que Christiane a eu son premier chien, j'ai été épaté et séduit par l'utilité de cette aide, l'utilité du chien guide. Et bon, j'ai porté la bonne parole où j'ai pu, autour de moi. À l'époque, je travaillais dans l'industrie lourde, donc j'en parlais à mes clients, j'en parlais à mes amis. Voilà comment ça a commencé, mais il y a longtemps, il y a plus de 40 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession de directeur ? C'est la mission de l'association, c'est de porter cette association, d'en parler, de convaincre les gens, de convaincre des personnes aveugles et malvoyantes à demander un chien, mais aussi trouver des soutiens. Des aides financières, des soutiens, etc. C'est passionnant comme travail, puisque c'est pas vraiment un travail, en fait. On parle d'une passion, on parle de choses qu'on aime. Comme je vous l'ai dit, je viens de l'industrie lourde. C'est pas du tout pareil. C'est un tournant à 180 degrés. Ah oui, carrément. Alors, est-ce que vous dirigez une équipe au sein de l'association ? Oui, il y a une équipe de 27 personnes en tout, 17 personnes au siège à Voipy, à côté de Metz, et 10 personnes, bientôt 11, à Cernay, en Alsace. Que font-ils ? Alors, la grande partie de ce personnel, bien sûr, travaille avec les chiens, sont des formateurs. Alors, il y a les animaliers, bien sûr, qui s'occupent du confort des chiens, de l'hygiène des chenilles, etc., du transport des chiens. Il y a des moniteurs qui s'occupent également de former les chiens, d'en faire des chiens guides. Et il y a les éducateurs qui, évidemment, forment aussi les chiens, mais ont aussi la charge de remettre ces chiens à des personnes aveugles, à les former à l'utilisation de ces chiens, et ensuite à suivre les équipes qu'ils ont ainsi formées pendant toute la durée de travail du chien. Et puis, bien sûr, cela ne pourrait pas se passer sans l'administratif, donc le personnel, les fonctions support, la communication, la comptabilité, bien sûr, les finances, qui représentent une autre partie du personnel. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, avant de parler de l'association Chien Guide de l'Est, et on se retrouvera juste après, à tout de suite sur RGM 107FM. Notre voisin l'ancêtre était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche. Et quand le bruit courut, que ses jours étaient comptés, on s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait apporté les guitares avec nous, car devant la musique, il tombait à genoux, excepté toute quelquefois les marches militaires, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, émule de Django, disciple de Crolla, toute la fine fleur des cordes était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime audition. En guise de viatique, une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les guitares sont restées à la porte cochère. Et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantiques peu chères. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue, oh non, pas de chant liturgique pour qui avale sa chique, mais des guitares crénon de nom, mais des guitares crénon de nom. On avait apporté quelques litres aussi, car le bonhomme avait la fièvre de Bercy. Et les soirs de Nouba, parole de tavernier, à rouler sous la table, il était le dernier. À rouler sous la table, il était le dernier. Saumur entre deux mers, Beaujolais, Marsala, toute la fine fleur de la vigne était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime libation. En guise de viatique, une ultime libation. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les litres sont restés à la porte cochère. Et le coup de l'étrier de l'ancêtre déçu, ce fut un grand verre d'eau bénite peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, ne nous faites pas boire au nom de ces eaux minérales, bénites ou lustrales, mais du bon vin, crénon de nom, mais du bon vin, crénon de nom. On avait emmené les belles du quartier, car l'ancêtre courait la gueuse volontiers, de sa main toujours leste et digne cependant. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Depuis Manon Lescaut jusque à Dalila, toute la fine fleur du beau sexe était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime érection. En guise de viatique, une ultime érection. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les belles sont restées à la porte cochère. Et le dernier foufou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe de sœur peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas d'enfant de Marie, oh non, remplacez-nous les nonnes par des belles mignonnes, et qui fument crénon de nom, et qui fument crénon de nom. Nous voilà de retour avec Raymond et Christiane pour parler de l'association Chiens Guides de l'Est. Depuis quand elle existe, Raymond, l'association ? Alors, elle existe depuis 22 ans. Puis la création était en 2000. Officiellement, elle a commencé en 2001. Alors justement, l'association a une histoire. Quelle est son histoire de sa création à aujourd'hui ? Alors, en fait, une histoire... tout a démarré dans le Nord, à côté de Lille, à Tourcoing exactement, où un monsieur qui s'appelait Paul Corteville, dont le voisin était aveugle, a décidé de former un chien, de sa propre initiative. Il avait cherché quelques informations avant, il savait que ça existait, il savait que ça se faisait, mais il n'avait pas trouvé suffisamment d'informations pour réaliser son rêve. Donc il a pris un chien à la SPA, Et avec l'aide de son ami aveugle, ils vont éduquer ce chien. Donc son ami lui a dit ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait. Et puis bon, il a essayé de façon tout à fait empirique. Il a formé ce chien qui s'appelait Dicky, c'est un berger allemand. Et bon, il a mis un certain temps, il a marché beaucoup, il a fait beaucoup beaucoup de kilomètres avec ce chien. Et il a réussi à le dresser, à l'éduquer, et il l'a remis à son ami, Monsieur Blin. Ça a été le premier chien guide formé en France. Et ça a tellement bien fonctionné, ça a tellement bien marché qu'il en a fait d'autres. Et toujours, toujours de façon complètement empirique. Hein. Il a inventé une méthode qui inspire encore aujourd'hui largement les méthodes utilisées, mais maintenant au niveau mondial. Donc un grand monsieur. Et au fur et à mesure, bon, il a eu du succès. Il y a eu de plus en plus de bénévoles autour de lui qui l'ont aidé. Bon, il est passé par des hauts et des bas. Et il a réalisé son rêve. Il a créé la première structure, la première association professionnelle pour former ses chiens. Et donc ça, ils ont déménagé, ça a déménagé plusieurs fois, mais c'est toujours resté dans la région lilloise. Ils y sont toujours. C'est la plus ancienne et la plus importante école de chiens guides en France. Et elle a essaimé. Elle a essaimé en Normandie et elle a essaimé en Lorraine. Donc ils se sont rapprochés de à la fois de leurs utilisateurs, des gens à qui ils avaient remis des chiens, donc sur tout le nord de la France, hein, le grand nord on va dire, la partie moitié nord jusqu'à Paris. Donc ils ont cherché à se rapprocher de leurs utilisateurs et de leurs donateurs. Et fin des années 90, donc juste avant l'an 2000, deux structures ont été montées, une à Metz et une en Normandie. Et celle de Metz, c'est nous. Mais rapidement, pendant les travaux, ils avaient décidé que ces structures ne seraient pas des filiales, mais des associations autonomes. Donc ils ont aidé à la construction, ils ont aidé à atteindre les objectifs, à la rendre autonome. Bien évidemment, dans les premières années, avec un soutien technique et financier non négligeable. Et c'est là que j'ai pris mes fonctions, en 2001. Et au bout de 3 ans de fonctionnement, donc tout début 2004, on avait rassemblé suffisamment de moyens sur place pour être autonome financièrement, pour trouver de l'argent et administrativement. Donc on a constituer une équipe sur place pour diriger cette association. Et on est rentré dans la fédé. Et deux ans plus tard, on a adhéré à la Fédération française des associations de chiens guides, la FFAC, qui regroupe aujourd'hui 10 associations, une fondation et une autre association d'utilisateurs de chiens, qui fédère tout ce monde pour avoir un langage et un discours commun. Et là, cette semaine, a été lancé le label Chien Guide France, qui regroupe toutes ces associations sous une même bannière. Alors, pour en revenir aux Chiens Guides de l'Est, donc on s'est appelé les Chiens Guides du Grand Est, dans un premier temps. Mm-hmm. Et en 2013-2014, on a commencé à se rapprocher d'une structure en Alsace, à Cernay, les chiens guides d'Alsace, l'école alsacienne de chiens guides, pour être exact, qui avait une dizaine d'années d'existence avant la nôtre, et qui travaillait surtout dans le sud de l'Alsace et la Franche-Comté. Donc nous nous sommes rapprochés de cette association, et nous avons décidé de fusionner, et ça a été concrétisé en 2016. Voilà l'histoire. Alors qu'est-ce que la Fédération Nationale des Clubs et Écoles de Chiens Guides d'Alsace? La FFAC, donc c'est un regroupement qui a d'ailleurs été créé sous l'impulsion, c'est une idée de Paul Corteville, qui, avec le succès qu'il a connu dans les années 50, hein, 51, 52, donc c'est là qu'il a commencé, qui après ce succès a dit, bon, mais écoutez, c'est bien, mais moi je peux pas faire des chiens, puisqu'il faisait ça bénévolement, hein, mm-hmm. après son travail, avec des amis. Il dit, moi je ne peux pas faire des chiens et servir la France entière, c'est trop. Donc il a aidé, il a commencé à, il a encouragé la création d'autres écoles. La seconde a été, je crois, Nice, l'école de Nice. Puis il y a eu Angers, puis Paris. Donc toutes ces écoles, bon, il tenait beaucoup à ce que son, non pas sa méthode, mais plutôt sa philosophie perdure. Et l'article premier de son grand livre blanc, c'est « Le chien doit être gratuit ». Pour nous. Pour la personne qui va l'utiliser, il n'est pas question qu'on mette une notion de prix dans l'obtention d'un chien. Ça, c'était la première règle. Et il n'est pas question d'en déroger. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Et donc, il a favorisé sécuriser un peu cette fédération pour que cette fédération soit garante de ce code d'éthique qui aujourd'hui est appliqué par tous ses membres. Donc gratuité du chien, bien sûr, disposer de d'installations, chenilles, installations techniques, de personnel formé, de personnel compétent, que le chien, ne soit pas maltraité, etc., etc. Donc il y a une dizaine d'articles dans la charte de la fédération et tous les membres sont tenus de la respecter. Depuis quand la loi autorise le libre accès de la personne accompagnée de son chien guide dans tous les lieux publics ? Alors Christiane, je crois qu'elle est mieux placée que moi, une meilleure mémoire que moi sur ces... Moi je dirais qu'en théorie, quand j'ai eu mon premier chien guide, c'était l'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides en 79. L'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides s'est créée et l'objectif de cette association c'était de rencontrer par exemple la confrérie des bouchers à Paris pour qu'on puisse rentrer avec notre chien dans tous les bouchers, dans toutes les boucheries. Après ils ont fait pareil avec les boulangers, pâtissiers, enfin c'est eux qui ont commencé à faire sur Paris et puis ça s'est étendu dans toute la France. Mais la loi sur le handicap de 2005, elle l'a mis dans la loi, c'est-à-dire qu'elle a dit voilà, le chien guide il est gratuit, il n'occasionne aucun coût. C'est-à-dire, je prends les transports en commun, mon chien il paye pas, je prends le taxi, il paye pas, je vais à l'hôtel, mon chien il ne paye pas. Mais en plus, il a le droit de rentrer partout où on peut recevoir du public. C'est-à-dire dans un lieu public, oui, mais dans un lieu privé, ça dépend de la personne si elle veut bien me recevoir. Il y avait toujours eu des actions pour favoriser l'accessibilité de tous les lieux publics aux chiens guides, mais ça s'est vraiment concrétisé, ça a été inscrit officiellement dans la loi handicap de 2005. Et l'une des missions de la Fédération française, avec l'aide justement de cette association d'utilisateurs de chiens, l'ANM, fait du lobbying et l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour la rédaction de toutes ces lois, de ces obligations. Les chiens guides, est-ce qu'ils doivent porter une muselière ? Non, ils sont dispensés. C'est marqué aussi dans la loi. Ça aussi, c'était pas le cas avant, hein, mais maintenant, je me rappelle, le premier chien de Christiane, il lui a été remis avec elle avait une muselière dans le trousseau du chien. Ouais. Et donc, effectivement, les chiens guides, comme les chiens d'assistance, sont dispensés du port de la muselière. Mes deux premiers chiens viennent de Wascal, parce qu'il n'y avait pas encore d'école dans l'est de la France. Alors, quelles sont les différentes missions de l'association ? Les missions, c'est principalement de former, de sélectionner, de former des chiens et ensuite de les remettre aux personnes aveugles qui en ont fait la demande. Et bien sûr, de suivre les équipes qui ont été formées, de s'assurer que le chien est bien utilisé correctement. Ça, c'est quasiment la seule mission. Non, c'est contribuer à l'autonomie des personnes parce qu'il y a aussi la canne électronique. Voilà. Donc depuis quelques années maintenant, nous avons également intégré dans notre offre la canne électronique. C'est vrai que l'objet de base de l'association, c'est contribuer à l'autonomie et principalement dans les déplacements pour les personnes aveugles et malvoyantes et dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, on s'intéresse surtout aux déplacements. Donc il y a le chien, bien sûr, et il y a la canne électronique, qui est un objet technologique, hein, qui a été développé spécifiquement pour les personnes aveugles et que nous distribuons. C'est-à-dire que nous distribuons sur le même principe que le chien, c'est-à-dire gratuité de l'objet. Et surtout, nous formons les personnes à l'utilisation de cet objet, de cette canne, contrairement à d'autres produits qu'on peut trouver sur le marché, que vous pouvez quasiment acheter en libre-service sur Internet. Mais on vous livre un produit avec un mode d'emploi très succinct, souvent traduit de l'étranger, mal traduit en plus, et sans aucune formation de base. Alors qu'il est évident que ce soit pour un chien ou pour un objet technologique qui doit servir à se déplacer, si la personne qui veut l'utiliser l'un comme l'autre n'a pas un minimum de connaissances dans les techniques de repérage, de déplacement, etc., on appelle ça les techniques de locomotion, ça ne peut pas marcher. C'est comme si on donnait une voiture à quelqu'un qui n'avait jamais tenu un volant. Ah oui. Bah oui, oui, parce que le chien, c'est en danger. Le chien, ce n'est pas un GPS, hein. Je tape pas trois fois sur sa tête et je lui dis dentiste, tac tac, il y va. Donc il faut que moi je lui donne toutes les indications pour y arriver. Donc ça veut dire que je sais me déplacer. Après, Après, le chien, il a des endroits où il va s'arrêter systématiquement. Par exemple, à un passage piéton, il s'arrête. Lui, il voit pas si le bonhomme, il est rouge ou il est vert. Donc, c'est là le travail pour moi. Moi, je dois écouter la circulation. Donc, ça veut dire que j'ai aussi appris. Et c'est pareil, même si je me déplace avec la canne, quand j'arrive à la bordure de trottoir, c'est moi qui écoute. Je vais pas tendre ma canne et hop, j'y vais. Tant pis pour les voitures. D'accord? Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre à se servir et d'une canne et d'un chien. Donc, dans tous les cas de figure, avant de se mettre au harnais d'un chien ou avant de prendre une canne électronique, il faut d'abord apprendre à se servir d'une canne blanche classique, on appelle ça les cannes longues, et il faut avoir assimilé les différentes techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir se déplacer en sécurité. Et je dirais, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître ses parcours, il faut savoir se repérer sur ses parcours de déplacement, il faut les connaître déjà, et savoir repérer ses repères pour pouvoir donner les bonnes indications au chien. Tourner à droite, tourner à gauche, chercher un passage piéton, chercher une porte, enfin, tout ce qu'on veut vouloir trouver. Ça, c'est pour le chien et pour la canne. Ben, si vous ne savez pas où vous allez et où vous êtes, ben, vous n'arrivez nulle part. Oui, c'est sûr. Ça doit être un peu la panique. Oui, je peux vous confirmer pour avoir essayé. oui, mais pour ça, dans notre personnel, nos éducateurs sont formés déjà à ces techniques. Hein, donc ça fait partie de leur cursus de formation. Mais nous avons dans notre équipe une instructrice, c'est une dame, ça peut être aussi un monsieur, hein, un instructeur de locomotion, donc c'est quelqu'un qui a une formation de base paramédicale, donc il est soit infirmier, soit kiné, soit ergothérapeute, soit psychomotricien, soit prof de gym avec la mention sport adapté, donc il a déjà une formation de base, et ensuite il suit une formation qui dure 9 mois, qui est très qualifiante, très spécialisée pour la réadaptation, la rééducation fonctionnelle de personnes aveugles. Donc sans ça, ça ne fonctionne pas. Et pour en revenir à la canne électronique, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les chiens chez les valides. Ben, c'est pareil chez les personnes handicapées, il y en a qui n'aiment pas les chiens. Et puis il y en a d'autres qui sont allergiques aux poils de chien. Donc tout le monde ne peut pas se déplacer avec un chien, même si on a envie de sortir. C'est pour ça qu'il fallait trouver un autre moyen et qu'il y a eu la canne électronique. Alors je voulais vous poser une question, Christiane. Oui. Est-ce qu'on dit toujours quand on perd un sens, il y en a un autre qui se développe? Est-ce que votre ouïe, par exemple, s'est développée depuis que vous avez perdu la vue? Non. Alors, je sais mieux me servir de mes sens, mais en fait, ce que j'ai développé, c'est mon attention et ma concentration. D'accord? Je suis beaucoup plus attentive que vous dès que je sors de chez moi, mais c'est pour ma sécurité. Alors, le moindre bruit qui va sortir de l'ordinaire, je vais le capter, alors que pour vous, vous allez passer à côté. D'accord? L'exemple que je donne toujours, on a acheté une maison en 95 avec une véranda. Quand on est arrivé dans la maison, alors, on était assis dans la cuisine et je dis, et tout d'un coup, j'entends la pluie, c'est-à-dire que mon attention, elle attire mon ouïe. Tiens, il y a un bruit qui sort de l'ordinaire, je l'analyse, c'est le bruit de la pluie sur le toit de la véranda. Il y avait une véranda. Donc je dis à Raymond, il pleut. Raymond, le voyant, il faut qu'il se lève à l'époque pour aller voir avec ses yeux. Et maintenant, 20 ans plus tard, même un peu plus, eh ben, Raymond, c'est toujours le même bonhomme. Même il a vieilli, donc il entend peut-être moins bien. Mais aujourd'hui, si je lui dis, ah, il pleut, il va faire un effort de concentration, c'est-à-dire qu'il envoie son ouïe à la recherche de la pluie. Et il se lève plus. Maintenant, il fait. Ça va très vite, hein, de plus en plus vite. Maintenant, il me dit, ah oui, t'as raison, il pleut. Mais lui, il est encore moins attentif que moi, d'accord? Mais donc, en développant mon attention et ma concentration, eh bien, j'arrive à mieux me servir des autres sens. Mais quand il y a 40 ans, quand j'ai perdu la vue, il y a 45 ans, j'écoutais un orchestre, j'avais un bruit. Je ne savais pas les discerner tout, je n'avais pas l'oreille musicale, d'accord? Ben, aujourd'hui, c'est pareil. Quand j'écoute de la musique, j'ai un bruit. Je ne sais pas discerner, d'accord? Alors que le chef d'orchestre ou quelqu'un qui a une oreille musicale entend chaque instrument. Ah oui. Parce qu'il a été entraîné à ça, parce qu'il a cette sensibilité. Voilà. Il sait ce qu'il doit entendre et comment l'entendre. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, une personne qui est privée de la vue, bon, c'est sûr que le sens qui va dominer, c'est l'ouïe. Donc, il va affiner l'utilisation de cette ouïe. Il ne va pas mieux entendre, enfin, il ne va pas avoir une acuité auditive supérieure, il va mieux se servir de son ouïe. D'accord. C'est un peu différent. Mais voilà. Ça doit être un peu plus compliqué, par exemple, s'il y a beaucoup de gens. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est plus, par exemple, pour ce qui ne fait pas de bruit. Actuellement, en ville, pour moi quand je vais en ville, je suis très inquiète à cause des trottinettes. Ah oui. Elles font pas de bruit et elles roulent très mal. Et elles vont me frôler. D'accord. Pour moi, ça devient très inquiétant. Et là, il y a pas longtemps, en ville, je me suis bloquée parce qu'une voiture, elle a klaxonné. Et il y a une trottinette qui m'a frôlée. D'accord. Si la voiture, elle n'avait pas klaxonné, ben, trottinette me renverser. Et c'est plutôt ça qui est inquiétant, c'est ce qui ne fait pas de bruit. Voilà. Dès que je sors actuellement, bah, les vélos, les trottinettes et puis les voitures électriques. Hein. Bah, le modernisme, c'est bien, mais ils ne pensent pas à tout le monde. Quoi. Voilà, il y a toujours des problèmes. Alors, trottinettes, vélos et piétons aussi. Hein. Les piétons qui sont sur leur téléphone. Ah oui. D'accord. Et qui sont pas qui sont dans leur bulle. Bah, bon, alors, si je suis avec le chien et que je marche, le chien, il les voit, il va les écarter. Mm-hmm. Mais ce sont ceux qui sont dans mon dos et qui vont plus vite que nous. Bah, ceux-là, ils me rentrent dedans. Bah, ils font pas attention. Non, non. C'est... Voilà. Mais ça, c'est vrai aussi pour les voyants. Hein. Des collisions de piétons, il y en a plein maintenant. Hein. Ah, surtout les jeunes qui regardent leur téléphone, ils regardent même pas ce qui peut se passer devant, les dangers. Des fois, ils traversent la route sans regarder devant eux. Voilà. Alors, est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation auprès du grand public ? Oui, ça nous arrive assez régulièrement. On cible surtout les scolaires. Mm-hmm. Christiane intervient dans les écoles. Alors, ça va de la maternelle au lycée, voire plus, avec une sensibilisation au handicap. En général, bien sûr, à la cécité en particulier. Et bien sûr, comme elle vient avec un chien, on parle beaucoup du chien. Et ensuite, ça c'est, là, c'est les sensibilisations au handicap, c'est principalement dans ce domaine-là. Et puis il nous arrive aussi, au niveau de l'association, de participer à des rencontres. Par exemple, samedi prochain, on sera Neufchâteau. À Neufchâteau, où une association justement met en avant un peu plusieurs associations d'aide au handicap, et on est présent et on va porter la bonne parole. Et puis on intervient également assez régulièrement sur des stands de sensibilisation à l'extérieur. Alors on va dire c'est un peu un mixte entre la sensibilisation et la recherche de fonds, hein, puisqu'on intervient souvent dans les galeries marchandes de grandes surfaces où nous positionnons des stands. Bien sûr, nous donnons de l'information, mais nous proposons également à la vente de petits gadgets, des porte-clés, des peluches. C'est surtout pour se faire voir et pour discuter. On va à la rencontre des gens. Ouais. Alors ça peut être des donateurs qui sont bien contents de nous voir, mais ça peut être aussi des personnes intéressées par le chien guide, qui on peut donner de l'information. Et oui, c'est un vecteur important pour nous. Et souvent, c'est sur les grandes surfaces, enfin dans les grandes surfaces, qu'on rencontre des gens qui ne savent pas. Ah ben, je connais quelqu'un, mais je savais pas que le chien guide était gratuit, donc ils vont donner l'information, et là on recrute des nouveaux utilisateurs. Ou alors, si on est plus sur la région de Metz, on peut recruter des familles d'accueil. Ici dans les Vosges, c'est trop loin, hein, parce qu'il y a tout le trajet à faire tout le temps pour le suivi, mais quand on est plus près de Metz, on arrive quand on est sur ces stands, là on arrive à recruter, c'est bien. Puis on a tous les ans une grande manifestation qu'on a pas réalisée les deux dernières années à cause de l'année dernière on l'a fait. Non, on n'a pas fait de porte ouverte l'année dernière. Ah non. Ça fait deux ans qu'on ne fait pas de porte ouverte, et cette année on l'a refait. Donc le dernier dimanche de septembre, donc le 25 septembre, on organise une porte ouverte sur les deux sites, hein, une à Metz et une à Cernay, où on fait des démonstrations avec des chiens en cours de formation, ou des chiens déjà formés avec les chiots. Hein, les chiots de famille d'accueil, on fait des petites démonstrations et on met un certain nombre de stands de sensibilisation au handicap, donc une pièce dans le noir, une découverte sensorielle, des choses comme ça. Donc si vous voulez venir, c'est l'entrée est gratuite, il y a de la restauration sur place, il y a une belle journée, il y a des animations pour les enfants aussi. Ah, oh, super! Ouais. Alors, comment est-ce qu'une personne malvoyante ou aveugle peut bénéficier d'un chien guide ? Première étape, c'est qu'il faut en faire la demande. Il faut le vouloir. Elle prend le téléphone, elle appelle l'école du chien guide. Elle en fait la demande. Ensuite, bon, on a une petite discussion déjà pour voir si ça peut aller. Puisque, bon, il y a quand même quelques conditions. La première condition, bah, évidemment, c'est d'être malvoyant ou aveugle. Donc, d'être titulaire d'une carte d'invalidité avec la mention cécité. Enfin, 80% et plus. Avec un taux d'invalidité de 80%. Ou plus. Ensuite, il faut avoir la volonté de d'utiliser le chien. Il faut bien comprendre les règles du jeu. C'est-à-dire, il y a des choses à respecter, entre autres l'apprentissage de la locomotion. Quelqu'un qui demande un chien parce qu'il ne veut pas se déplacer avec une canne blanche parce que c'est trop voyant, il est mal parti. Oui, parce que là, le chien, c'est encore plus... On attire encore plus le regard. C'est un meilleur repère pour le grand public que la canne. Hein. Donc beaucoup de personnes considèrent la canne comme stigmatisante. Pourquoi pas, j'ai pas d'avis là-dessus, mais la canne, pour stigmatisante qu'elle pourrait être, c'est quand même aussi un signal d'alarme pour les voyants. En plus de tout l'aspect sécuritaire qu'elle représente pour la personne qui en a besoin. Voilà. Donc il faut quand même avoir à l'esprit qu'il faut avoir accepté son handicap sans en avoir fait forcément un truc super. Hein. C'est pas ce qu'on recherche, mais il faut accepter le handicap et se dire que bon, bah, avec le chien, tout le monde va savoir que je suis aveugle ou très malvoyant. Et il faut accepter de sortir seul. Il faut accepter ça. Et ensuite, accepter le fait de vouloir être autonome. C'est-à-dire avoir un chien et utiliser quand même systématiquement un guide humain et prendre le chien à la laisse, ça n'a pas de sens. Donc il faut vouloir l'utiliser. Et il faut aussi comprendre que le chien, c'est aussi des contraintes. Un chien, ben, ça ne vit pas vieux déjà. Donc on va partager sa vie avec lui pendant 8, 9, 10 ans, guère plus, hein, puisqu'après il va être mis à la retraite. Un chien, ça tombe malade. Ça perd ses poils, ça voilà. Pue quand il pleut. Voilà, il y a un certain nombre de désavantages que des personnes qui aiment les chiens et qui ont toujours eu des chiens, bon, pour eux, c'est... Bah oui, c'est pas un inconvénient. Pour d'autres, c'est vraiment un inconvénient. Donc, il faut être conscient de tout ça. Et c'est un être vivant, donc il n'est pas question de... C'est pas comme une canne, on rentre chez soi, on arrive chez soi, bon, on la plie et on la met dans un tiroir. Le chien, bah, on rentre chez soi, bah, il faut le brosser, il faut le nourrir, il faut jouer avec lui, il faut l'étendre, il faut lui montrer de l'intérêt, sinon ça ne fonctionne pas. Et des repères aussi, du coup. Bah, des repères à la maison, oui, mais ça, on va dire, c'est assez naturel pour le chien, mais oui, il faut quand même lui les donner et les maintenir, oui. Bien sûr. Il faut surtout que je crée le lien très fort avec mon chien. Parce que mon chien, il ne travaille pas pour mes beaux yeux. D'accord ? Donc, il faut que je crée le lien. Si, par exemple, quand j'ai eu mon premier chien guide, j'avais encore les deux garçons à la maison. Alors, si Raymond, par exemple, il sort avec le chien, on habite au bord du canal, va le détendre au bord du canal, les deux garçons, un donne à manger, l'autre joue avec le chien et moi, je le prends que pour le travail, c'est-à-dire avec le harnais. Mmh. Au bout d'un moment, le chien va se dire, il n'y a pas photo. Hein. Avec elle, je bosse, avec eux, c'est mieux. Donc, il ne voudra plus travailler avec moi. Donc, il faut que ce soit moi qui fasse tout avec le chien, même si, et puis le brosser, c'est pas une corvée, hein, c'est ça crée un lien encore plus fort entre nous. Dès que je prends la brosse, il arrive. Voilà donc il faut que les personnes qui demandent un chien aient bien conscience que c'est un engagement qu'ils prennent envers un être vivant et l'engagement de s'en occuper, de s'en servir. Voilà, et puis après il y a l'aspect l'aspect vraiment purement technique et physique. On ne prend pas un chien pour faire un petit parcours d'un quart d'heure, 20 minutes par semaine. Mmh. Hein, il faut s'en servir tous les jours, idéalement. Il faut avoir un minimum de parcours à faire tous les jours. Il faut avoir un minimum de forme physique pour se déplacer sans problème, sans se mettre en danger en marchant. Donc il n'y a pas d'âge limite. Hein, on remet des chiens à des personnes qui ont largement dépassé les 70 ans, voire plus. Hein. C'est des renouvellements. Mais c'est souvent des renouvellements. Premier chien, à cet âge-là, c'est compliqué. Mais quand c'est des renouvellements, on a des personnes bien, bien au-delà de 70, 75 ans qui ont des chiens. Mais il faut quand même avoir une certaine forme physique. Bien sûr, on va adapter le chien, on va choisir le bon chien pour la personne. Mais malgré tout, au début, c'est un jeune chien. Donc, il a besoin de bouger. Donc, il faut avoir une certaine forme physique correcte pour se déplacer efficacement. Hein. C'est-à-dire, s'il y a en plus de la cécité d'autres handicaps associés, des handicaps physiques qui empêchent la personne de marcher correctement, c'est compliqué. Puis, dernier point qui est important aussi, il faut que l'entourage de la personne, la famille, les amis, enfin surtout la famille, soit partante aussi. Parce que s'il y a une réticence de la part de l'entourage, ça ne va pas fonctionner. Ça peut exister, mais c'est assez rare. Nous allons faire une deuxième pause musicale avant de parler des chiens guides. A tout de suite sur RGM 107 FM. C'est dans l'aube, chère Adélaïde, que tu courais notre domaine, humant l'air des quatre saisons, odeur de thym et de bruyère, sous tes pattes fraîches, légère, s'élevait comme une raison. Berger des langues familières, tu vivais digne et solitaire, animal doué de raison. J'écris ce jour anniversaire où tu reposes sous la terre, à deux pas de notre maison. Ourale, ourale, ouralou, ourale, ouralou. Ourale, ourale, ouralou, ourale, ouralou. On voit souvent les souveraines à la place des rois qui règnent, rien qu'en posant leurs yeux dessus. Il faut se méfier du paraître de nous deux qui était le maître. Nous ne l'avons jamais bien su. Tu vécus la vie parisienne, la nuit sur les quais de la Seine, les musicals et les tournées, et cette vie qui fut la mienne. Il me semble que tu l'entraînes à la semelle de tes souliers. Ourale, ourale, ouralou, ourale, ouralou. Ourale, ourale, ouralou, ourale, ouralou. Jour après jour, il faut l'admettre, voir ce qu'on aime disparaître, c'est ce qui fait vieillir trop tôt. Au paradis, les chiens peut-être, ton long museau à la fenêtre, tu nous accueilleras bientôt. Au triple galop caracol, je vois tes pattes qui s'envolent, chevauchant l'herbe et les nuées. Le vent siffle dans ton pelage, vole, vole mon loup sauvage, comme au temps des vertes années. Oura, ourale, ouralou, ourale, ouralou. Oura, ourale, ouralou, ourale, ouralou. Nous revoilà pour parler des chiens guides de l'association Chiens Guides de l'Est. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107FM, notre site internet ou par les applications Orange Radio et Radio Line. Nous sommes aussi avec vous grâce à la plateforme Deezer. Raymond, comment est-ce que vous avez récupéré les chiens pour qu'ils deviennent chiens guides? Est-ce qu'ils viennent d'un élevage? Oui, ils viennent tous d'un élevage. Donc tous, ils sont tous inscrits au LOF, donc au Livre des Origines Françaises. Donc communément, on dit qu'ils ont un pédigré. Donc on a, je dirais, principalement deux sources d'approvisionnement. La principale et la plus importante, c'est un centre d'élevage qui fait partie de la Fédération française des associations de chiens guides, qui se trouve à côté de Clermont-Ferrand, à Lezoux, le CZK, qui fait naître un peu plus de 300 chiots tous les ans et qui les confie aux différentes écoles de la Fédération et à d'autres structures d'aide au handicap par l'intermédiaire du chien. Et si le CDK ne peut pas nous fournir suffisamment de chiens, ou si on souhaite utiliser des races qui ne sont pas élevées au CDK, on s'adresse à des éleveurs des éleveurs professionnels chez qui on va acheter les chiens. Alors les races qu'on a au CZK sont le Labrador, le Golden Retriever, le Berger Allemand et le Croisé Golden Labrador. Donc ce sont les races qui sont disponibles au CZK et ensuite certaines écoles, dont dans notre école de Cernay, éduquent d'autres races, le Caniche Royal. Ah oui. Oui, le caniche roi est le grand caniche. Hein, parce qu'on l'imagine mal, un caniche faire un chien guide. Ah, ça marche, chien, hein, ça marche bien. pour les personnes allergiques aux poils de chien, parce que le caniche a cet avantage, pas de poils laineux qu'il faut tondre, mais qu'il ne les perd pas. Le caniche, le labradoodle, c'est-à-dire le croisé labrador-caniche, qui commence à faire son apparition dans le monde du chien guide. Et puis quelques, de temps en temps, du berger allemand, le berger blanc suisse, et puis d'autres variétés de bergers ponctuellement. Donc eux sont achetés dans les élevages. Moi j'ai un berger australien. Bah le mien il pourrait pas faire chien guide parce que c'est un grand trouillard, mais ce que par exemple un berger australien il peut faire chien guide. Il y a des bergers australiens chien guide, ouais. Bon ils ont un avantage, c'est que c'est très dynamique. C'est des bergers, donc c'est facile à dresser, c'est intelligent, ça va vite. Par contre, c'est un peu petit, hein, donc c'est réservé aux personnes pas trop grandes. Et bon, pour moi, mais ça c'est un avis tout strictement personnel, c'est un chien de berger. Donc, et comme tous les chiens de berger, c'est hyper vigilant. Donc c'est pas toujours un grand service qu'on rend à ce chien d'essayer de le faire travailler en milieu urbain très très chargé. Donc voilà, mais ça c'est un avis personnel. Ça fait de bons chiens. Très attentif à leur maître, très performant techniquement, donc pourquoi pas. Bah, je confirme, il est très attentif, mais le mien, il est assez peureux. Il est lâché. On l'a toujours habitué tout petit à la ville, tout ça, mais il préfère être lâché dans la campagne, qu'il n'est pas très à l'aise avec les bruits. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est un des problèmes. Mais bon, on peut trouver des qui sont tout à fait aptes. Hein. Alors, comment sont éduqués les chiens ? Alors, il y a plusieurs étapes. Hein. Donc, déjà, dans le premier temps, il y a la sélection des chiots. Alors, le centre d'élevage du CZK, donc la sélection, elle est faite, je dirais, par le centre lui-même, hein, en utilisant que des reproducteurs déjà eux-mêmes sélectionnés, dont les lignées sont connues pour faire de bons chiens de travail. Sinon, chez les éleveurs, nos personnels, nos éducateurs sont également formés à ça, donc ils peuvent essayer de détecter les chiens qui sont plus aptes que d'autres à faire ce travail. Bon, c'est pas une science exacte, hein. On se trompe souvent, mais bon, on essaie de trouver les meilleurs d'une portée. Ensuite, ben, ces chiots, ben, on les récupère à huit semaines, donc à 2 mois, c'est tout petit, hein, c'est tout jeune, ils ont à peine sevré. Et là, ils sont placés dans une famille. Ils sont placés en famille d'accueil. Une famille d'accueil qui est bénévole, qui a postulé, qu'on a nous aussi sélectionné en quelque sorte, et qu'on va suivre et qu'on va former pour faire évoluer ce petit chiot. Dans un premier temps, bien sûr, c'est d'abord l'apprentissage de la propreté, c'est l'apprentissage des règles de base, hein, rester attentif au maître, ne pas mordiller tout ce qu'on trouve, etc. Les choses vraiment très très basiques que tous les chiens... Il ne vient pas mendier quand on est à table, voilà. il reste couché, pas forcément sur son tapis, mais il peut rester couché tranquillement à côté de nous, et puis il ne va pas dans la salle de bain, il y a des endroits qui lui sont interdits. Voilà. C'est de comprendre, pas sur le canapé, de comprendre toutes les règles de vie avec sa meute humaine dont il fera partie et qu'il devra respecter. Donc en fait, pour résumer, le travail de la famille d'accueil, ça va être en une dizaine de mois d'en faire un excellent chien de compagnie, obéissant, stable, capable de se concentrer. Et bien sûr, on va profiter de cette période aussi pour faire un certain nombre de tests de comportement, bien sûr, mais surtout des tests physiques, hein, les radios des hanches, radios des coudes, les analyses de sang, etc., pour essayer de détecter d'éventuels tares héréditaires qui seraient pas compatibles avec la fonction de chien guide. Et puis bon, bah après, par exemple, une tare oculaire, hein, un chien aveugle pour guider un aveugle, on n'ira pas loin tous les deux. On a des tests de détection de ce type de tare. Et puis bien sûr, tous les troubles comportementaux que le chien peut avoir. C'est-à-dire un chien très peureux, très craintif, ça va pas, c'est pas compatible avec la fonction de chien guide. Ou un chien agressif. Ben que ce soit extrêmement rare, mais ça pourrait arriver. Ou des chiens anxieux, enfin, il peut y avoir un certain nombre de ou aboyeurs, ou tout simplement pas motivés. Ça existe aussi. Hein. Et ce qu'il y a de bien maintenant, hein, vous m'avez dit, oh, qu'est-ce qu'il est calme, c'est grâce au travail de la famille d'accueil, il est couché, là, personne ne l'entend, et moi j'ai tous les compliments. Voilà. Donc ça, c'est le travail de la famille d'accueil. Bien sûr, la famille d'accueil est assistée, aidée pendant toute la durée du placement, donc pendant une dizaine de mois, par un éducateur référent qui on se rencontre toutes les semaines, rencontre en individuel et rencontre en commun, donc avec 5 ou 6 autres chiots du plus ou moins du même âge pour faire du travail en commun. Quel comportement on doit adopter avec un chien guide en présence de son maître? Est-ce que par exemple on peut le caresser? Non. cri du cœur. Non. Mais non, mais ça reste un chien. Donc si vous le caressez, il préfère les caresses que le boulot. Ah oui. Moi je marche sur le trottoir, vous venez, vous le caressez. C'est mon chien, il s'arrête. Ça veut dire que devant moi, il y a un danger. Mm-hmm. D'accord ? Et puis tout d'un coup, j'entends une mamie qui dit « Ah, c'est mon petit chien qui fait connaissance avec le vôtre. » Oui, mais madame, quand vous faites ça, vous... Et donc, si vous voulez caresser, vous demandez. Mm-hmm. D'ailleurs, même si ce n'est pas un chien guide, vous demandez avant de caresser un chien. Parce que vous ne savez pas comment il va réagir, le chien. Donc, il faut demander, c'est tout. Oui, il faut pas, faut éviter. Il faut éviter de le toucher, il faut éviter de le solliciter, il ne faut pas le déconcentrer. Comme dit Christiane, si notre chien s'arrête pour aller renifler un poteau ou dire bonjour à un congénère, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Pour une personne aveugle avec son chien, un chien qui s'arrête brutalement, c'est un danger. Donc, coup de stress. Oui. Voilà. Et puis, certains chiens, pour se remettre dans la concentration, ça peut prendre un peu de temps. Donc, la personne est en danger. Est-ce que vous avez toujours eu un chien pour vous aider au quotidien, Christiane? Non, je suis restée 12 ans sans chien quand j'ai perdu la vue parce que je ne savais pas qu'il était gratuit. Je pensais que je devais le payer. Avec 2 petits garçons, mes priorités financières, elles allaient ailleurs. J'étais abonnée à une revue sur cassette à l'époque, de l'Association nationale des maîtres de chiens guides. Et il y avait un élève vétérinaire qui faisait sa thèse sur le chien guide. Et qui terminait en disant « Le chien guide est remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande ». Et il donnait le numéro, le téléphone de l'ANM, j'ai téléphoné tout de suite. Et on m'a orienté donc vers l'école de Wascal dans le Nord. Alors là, j'ai eu mes 2 premières chiennes, elles viennent de là-bas, maintenant l'école de Voipy. Et quand j'ai demandé mon premier chien, c'était pour le confort dans le déplacement. Je serai plus en sécurité, je pourrai aller plus loin, je pourrai en faire plus, voilà. Et par contre, la grande découverte qu'on fait dès qu'on reçoit notre premier chien, c'est que les gens, ils nous reparlent. Ils viennent beaucoup plus facilement vers nous. Quand vous allez promener votre chien, vous, les gens, ils vous parlent. Ils vous disent, oh, qu'est-ce qu'il est beau et tout. Pour nous, c'est pareil. Les gens, ils viennent beaucoup plus facilement. Comme je dis, quand je suis dans l'arrêt bus avec ma canne, personne vient et me demande, elle s'appelle comment votre canne? Si je suis avec le chien, ils viennent et ils vont engager la conversation en commençant par me parler du chien, et puis comme je suis très bavarde, et après on peut parler de tout. Et ça, c'est la grande découverte qu'on fait tous. Quand on reçoit notre premier chien guide, c'est on retrouve les gens autour de nous. Quand on est avec la canne, les gens ils s'écartent avec le chien, les gens ils viennent vers nous. Ils nous aident beaucoup plus facilement dès qu'on a un chien guide. Et ça, c'est vraiment la grosse découverte. C'est bien. Après, quand je marche avec mon chien par rapport à la canne, tant que j'y suis, je vous dis tout. Quand je marche avec la canne, je suis seule et je suis concentrée. D'accord ? Et quand je marche avec le chien, on est 2 à partager la responsabilité du trajet. Donc, je suis plus détendue. Le même trajet fait avec une canne ou avec le chien guide, avec un chien guide, c'est beaucoup plus relax, c'est moins stressant et moins fatigant. Après, le chien, je lui demande des recherches. Cherche-moi les lignes. Les lignes, c'est le passage piéton. Par exemple, les lignes à droite, à gauche, il connaît la droite de la gauche. Je lui donne les informations au fur et à mesure qu'on avance. Si on est avec la canne, ça demande beaucoup plus de travail pour trouver le passage piéton que le chien, lui, va trouver tout seul. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Alors, avec le premier chien, on va faire des trajets, je vais dire, alimentaires. Au début, on ne sait pas. Puis on se rend compte que ça va très bien. Donc, on va rallonger nos trajets, on va en faire un peu plus. Et on va faire de plus en plus de choses avec le chien qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu le chien. Par exemple, moi, j'ai créé une auto-entreprise et je me déplace dans toute la France et je prends le métro dans Paris. Je me vois mal avec une canne dans le métro. Mais moi, je ne suis pas parisienne. Hein. Les aveugles dans Paris, eux, le métro, ils doivent bien connaître. Mais je trouve ça stressant. Et avec le chien, par contre, c'est moins fatigant. Une fois, ça me fait penser à une anecdote. Quand j'arrivais à Paris pour aller aux réunions, à 9h10, à peu près, Gare de l'Est, j'arrivais. Donc, je descends, je connais mon trajet, mon cheminement. Et quand j'arrive sur le quai, tous les Parisiens sont en même temps que moi. Donc, tous les métros étaient pleins. Et là, mon chien ne monte pas parce qu'il y a trop de monde dans le métro. La personne derrière moi me dit... Pour le prochain, c'est pour vous. Alors, je lui dis, si le chien, il veut bien monter. Et elle m'a dit, on va vous aider. J'ai eu un peu peur, je me suis dit, elle va me pousser dedans. Mais non, en fait, ils ont laissé descendre les voyageurs. Ils se sont mis en arc de cercle autour de moi. Comme il n'y avait personne et que c'était libre, le chien est monté. Et ils sont tous montés derrière moi. Et donc, en fait, partout, quand je suis avec le chien, je n'ai pas peur. Et si j'ai besoin, j'apprends, je demande de l'aide. Les gens, ils viennent très facilement m'aider. Et ça, c'est aussi très important. Parce que grâce au chien, j'ai eu l'impression de retrouver de la société. D'accord, de la réintégrer, de rentrer dedans. Avec mon chien, je suis allée faire du bénévolat au Secours catholique. D'accord, c'est parce que j'avais le chien, j'ai retrouvé de la confiance en moi. En perdant la vue à 23 ans, j'ai pas perdu que la vue. J'avais perdu mes repères, il y avait plein de choses que je n'oserais plus faire. Je pensais que ma vie, elle était finie, quoi. Je reste assis sur une chaise et puis grâce au chien guide, je refais beaucoup de choses. Et ça m'a redonné confiance en moi et c'est comme ça que j'ai pas peur de sortir. Aujourd'hui, j'ai pas peur. Même quand je vais à Paris, alors je vais travailler près de la Porte Saint-Denis, j'ai décidé de descendre à pied de la Gare de l'Est à la Porte Saint-Denis et je me perds tout le temps. Je demande aux gens, mais et surtout maintenant, les jeunes avec leur téléphone, là, ils regardent et ils arrivent bien à m'indiquer, ils me disent où je me suis trompée. Bon, il ne faut pas avoir peur. Et comme j'ai un chien, ben les gens, ils viennent facilement m'aider. Ils ne se sauvent pas en me disant, non, j'ai rien, voilà. Donc, c'est tout ça. Le chien, ça a vraiment attiré les gens vers moi. Bon, il faut que je sois souriante et puis que je sois quand même habillée correctement. Si je suis mal fagotée, ça va les faire fuir, avec ou sans chien, d'accord? Donc, il faut aussi mettre un peu du sien. Mais ça le chien, c'est un aimant. Ça attire tous les gens. Et quand les gens ils me disent, par exemple, « Oh, comme il est beau, votre chien !» Moi, je réponds, « C'est normal, il me ressemble. » Et du coup, on peut parler de beaucoup de choses et de n'importe quoi. Et c'est toujours le chien qui fait trait d'union. Et je l'ai nommé ministre des Relations extérieures. Mais le chien, c'est quand même fait pour sortir. Et ce qu'il y a de bien avec le chien, c'est que je sors tous les jours. Je m'oblige, j'ai pas le choix, il faut que je sorte avec lui. Mmh. Et pendant le Covid, je suis sortie tous les jours aussi. Et c'était bien, parce que les gens étaient limités, mais nous, avec le chien guide, on n'avait pas de limite dans la distance. On pouvait aller plus loin qu'un kilomètre. C'est ça, le chien guide, il m'a apporté énormément. Et si aujourd'hui, je devais remarcher sans chien, j'aurais le sentiment de régresser. Aujourd'hui, j'en suis au 5e chien guide. Aujourd'hui, j'ai 68 ans, mais j'espère que j'en aurai encore 2. Parce que un chien guide, au bout d'un certain temps, le chien, on va le mettre à la retraite. Alors, quand il a je suis très attachée à mon chien parce que je suis avec lui 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il ne dort pas dans ma chambre, hein, il n'a pas le droit, il dort en bas. Mais quand même, quand je le mets à la retraite, je ne veux pas qu'il soit malheureux. Moi, je pars énormément. Et si je le laisse, alors le chien à la retraite, quand je pars avec le nouveau, il va être tout seul dans la maison. Or, c'est un chien qui n'a pas l'habitude d'être seul. Donc, pour son bien, il faut que je cherche une solution pour le chien. Alors, je peux le garder. Ben, moi, je suis mariée, on habite dans une grande maison, ça ne pose pas de souci. Mais quand je pars et que je ne suis pas là, ben, c'est Denise, une amie, qui le prend. Comme ça, le chien, il n'est pas seul. D'accord ? Et puis, si on n'a personne, eh ben, à l'association... Et puis tout le monde ne peut pas garder deux chiens, un jeune et un vieux, un aveugle qui habite dans un studio, ça fait un peu délicat. Mmh. Et donc, à l'association, ils ont des familles de retraite, c'est-à-dire ce sont souvent des personnes âgées qui ne veulent pas reprendre un chiot pour tout recommencer, voilà, mais qui veulent bien prendre un chien guide à la retraite. Elles savent qu'ils en ont pour 4-5 ans maximum. Moi, tous mes chiens, jusqu'à présent, les trois, elles sont décédées, elles avaient plus de 15 ans. Et elles ont été mises à la retraite, la première à 12 ans, les deux autres à 10 ans. Donc, une famille de retraite qui prend un chien, elle sait qu'elle en a pour 4-5 ans, pas plus. Et puis, elle sait que c'est un chien qui est bien éduqué, mais qui est pépère, quoi. Ce n'est pas un qui va... Mais je reste pas sans chien, j'en redemande un, c'est sûr. Puis, en plus, mon chien, il écoute mieux que mon mari. Ah Alors, cette émission est malheureusement terminée. J'avais plein de questions à vous poser, mais ça fait déjà malheureusement une heure qu'on parle. Ça, pour moi, bon, ça aurait pu durer deux heures. Il n'y a pas de souci. Alors, Raymond et Christiane, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir invités, voilà. De nous avoir donné la parole. N'oubliez pas, le 25 septembre, à Poppy, comme à Cernay, portes ouvertes. Vous serez les bienvenus. D'accord. Alors j'espère que l'association continuera à améliorer le quotidien des personnes malvoyantes ou aveugles. Je souhaite également une belle et longue vie à Nuts auprès de vous, Christiane, et de vous, Raymond. Ah non, il est toujours avec moi, pas lui. Ah. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.